portion nouvelles entrées des palmarès Ifou pour la semaine du 9 au 15 octobre 2017. Je m'appelle Mathieu Plante. Et moi, Tania Baudin. Hey Tania! Hey! Ça va? Ça va très bien. Oui, on est un petit peu mêlés aujourd'hui parce que, bon, pour nous en direct, on est le mardi. Mais on fait la portion nouvelles entrées qu'on fait habituellement le lundi et on ne fera pas l'édition mishmash qu'on fait habituellement le mardi. Non, c'est ça, exactement. Donc une semaine avec 3 épisodes d'1 heure pour faire 3 heures au lieu de 4 heures cette semaine étant donné l'action de grâce. C'est bien ça. On se comprend? Oui. On se comprend? On se comprend bien. Donc dans l'édition nouvelles entrées, on va avoir 4 nouvelles pièces à entendre. En anglophone, il y aura Milk and Bone ainsi que The Pack 80. Et du côté francophone, il va y avoir La mère des tourments de WD-40 un petit peu plus tard, mais on commence avec Danny Placard de Full Face. Oh, c'est le contrat, par contre. Oui, ben exactement, oui, ouais, ça, ouais, Full Face de Danny Placard. Exactement. Cesse de parler, je t'en supplie. Oui. Avec plaisir. Je voudrais rester seul. On sait que la nuit est en notre audit. Quand le jour se forme l'aïeul, je mets mon full face body. Et enfin, je serai seul. Je fais du vacarme pour te faire.

le duo électropop canadien Laurence Lafonbonne et Camille Polican, Milk and Bone, et la pièce Daydreams, c'est un single le plus récent de leur part. Oui, tout à fait. Du côté francophone, eh bien, on a entendu La Mère des Tourments de WD-40. On parle pas de ce qu'on utilise pour faire... ouais, c'est ça, on parle pas du produit ici, on parle vraiment du band rock country punk qui vient de Montréal. On commençait quand même en 1994. On a quitté Chicoutimi 3 ans plus tôt pour conquérir le monde. Wow. Et l'envie leur est venue de faire enfin la musique qui jouait dans leur tête depuis toujours. Donc, ils étaient tannés de jouer dans des groupes pas bons. Ils ont décidé de prendre le contrôle de leur vie sans trop s'en rendre compte et ils ont créé un monstre. Ils se sont mis une petite paille dans la bouche, comme exactement. Le WD-40. Exactement. C'est pas de la musique grinçante et autres gags du tout. Non, du tout. Avant ça, en 20e position anglophone, c'était le Pac 80 avec Dollhouse. The Pac 80 qui est un groupe duo en fait de garage rock de Vancouver en Colombie-Britannique et connu surtout pour ses performances devant public. Ils sont capables de générer un son massif avec seulement 2 membres. Cool, hein? Oui, oui, tout à fait. Et du côté francophone, eh bien, c'était Full Face de Danny Placard. Un gars qu'on a déjà entendu dans les palmarès. C'est fou, on aime bien. Oui. Il se présente lui-même comme « Salut, c'est Danny Placard ». Si ça a joué ce matin, ça disait « C'est Danny Placard ». Vous êtes assez fou. Oui, oui, assez fou. Oui, oui, assez fou. Oui, oui. Oui, oui, assez voilà, fou. Voilà, pour les nouvelles entrées, il y en a 4 cette semaine. On va continuer là où on est rendu, dans l'ordre. Colin, oui. On se casse pas la tête aujourd'hui. Donc, non, en position 18, ce sera Queens of the Stone Age. Eux qui étaient au sommet il y a quelques semaines descendent pas mal en 18e place. En fait, ça descend de 14 positions. Et du côté francophone, eh bien, on descend de 10 positions. C'est Eman et Vlooper avec La Plage. On va l'arrêter, c'est fou! Au 89 FM! Oh oui! Le monde sont tellement frileux ici. J'ai l'impression que ce qui nous vaut l'antenne ici. Ce réflexe humain normal ici. Quand je pense à le bas, je trouve qu'on est bien ici. Oh! Oh! J'parle juste de l'eau, j'parle juste de mêlée. J'ai l'impression que je suis victime de mon sommeil. Je te regarde quand je pense à paix. Sur ton wallet, tes amis sont juste barrés. Tu veux que tu demandes un jour, c'est qu'ils sont passés depuis une manette. Marche-toi ton wallet, vie en parle d'un toilette. Qui colle dans le col quand tu payes des dates, tu lâches la palette. Le monde sont tellement frileux ici. J'ai l'impression que ce qui nous vaut l'antenne ici. Ce réflexe humain normal ici. Quand je pense à le bas, je trouve qu'on est bien mieux ici. Already rich, wife and a kid. You wanna bet? Moi je veux du zéro. Entrelacé comme le signe de l'infini. You wanna shoot them? I wanna love. Retenu par des chaînes dans le fond d'une piscine. Mais qu'est-ce que tu veux dire? Je m'entoure de mes frappes et de ma famille. Je pas capable d'un de vous autres. Fait que je suis là dans mes empires d'empire. Comme un seul homme face à la funny shit. Y'a personne de meilleur, y'a personne de pire. The future's now. Je vois dans le fond des yeux des kids. C'est moi. Who got the keys pour mes brothers? Lockdown, prêt à perdre leur vie pour des dollars. Mais hype, the game hype, the players. Juste calme-moi pas quand tu marches avec ton lama. J'veux pas être dans les bases, photos on the cover. Un poète qui te rap ses phrases up on the record. T'as pas être genre prêt d'ombrer sous Ben Mandela. Je fais ça pour les young kids, c'est des vieux enfants. Le monde sont tellement frileux ici. J'ai l'impression que ce qui nous vaut l'antenne ici. Ce réflexe humain normal ici. Quand quand je pense à là-bas, je trouve qu'on est bien mieux ici. Hey, hey, hey. Y'a personne d'aussi fresh que moi, c'est maths sur le bloc. J'ai un docteur en soi. J'ai un bac dans le street, pis une maîtrise en crosse. Donc, disons, si tu me sépares, j'ai pas bien me croire faire d'envie. À l'école, c'est plate, fait que j'ai commencé à se faire. Ça me donne l'impression d'être quelque chose d'autre qu'une. Dans un enclos, un mouton. Yeah. Get no ball, flip cup, ben get no ball. C'est good, dans ce bloc, j'en prends mes gars. Get down, broke, mon berno. Combien de temps touche, gros père, moi j'parle aller-retour. T'en fais pas, j'ai compris le spin, gros comme clash. J'vais t'apprendre, c'est ton gros man. Yeah. Get for mama. Get no ball, flip cup. Get for mama. Ben get no ball, study good. Get for mama. Dans le temps, j'suis bloc, j'en prends mes gars. Get down broke, mon père, no. Le premier jour d'école a tellement froid que c'est impossible de refaire. T'inquiète pas, maman. J'ai toujours semi-passé sans avoir fait mes devoirs. J'ai vu la fin, ce monde dans le fond d'un backfire. J'ai vu la fin, ce monde dans un crack à soin Saint-Charles. J'ai tellement souvent vu la fin, ce monde que ça fait. À chaque rayon soleil qui perce, moi j'ai comprendra. Y'a personne d'aussi fresh que moi. C'est un maths sur le bloc. J'ai un docteur en soi. J'ai un mec dans le slip. Pis une maîtrise en corse. Dans le zoo, c'est pis de ses parents. J'ai pas bien de trois femmes dans vie. À l'école, c'est plate. Fait que j'ai comme ça. 18. Thank you. The Stone Age avec Feet Don't Fail Me Now qui descend de la 4e à la 18e place anglophone. Et du côté francophone, bien, je ne sais pas si vous avez compris quelque chose parce qu'il rappe quand même assez rapidement. Attends, je pense qu'il a besoin de radis pour son bird dog. Je pense que oui. Sinon, il y a très un lama, je suis pas certaine. C'était Eman et Vlooper avec la plage. Incompréhensible, mais ils ont travaillé fort sur les textes, là, j'imagine. Oui, exactement. Position numéro 16 maintenant. 17, pardon, en anglophone. Ce sera Trailer Trash Tracy's avec Sibenkas qui reste stable. Ça bouge pas, mais c'est bon pareil. Et du côté francophone, par contre, on va bouger et de beaucoup. On descend de 15 positions, alors on passe de la 2e à la 17e. C'est ici-bas de Mon Doux Seigneur. Au palmarès, c'est fou. Au 89 FM. C'est fou 89.1. Pour plus d'informations, visitez cifou.ca. 17. C'est Trail Trash Tracy's avec Sibenka, c'est stable en position numéro 17 anglophone, troisième semaine de présence. Et du côté francophone, quatrième semaine de présence avec Ici-bas de Mon Doux Seigneur. Maintenant, comme on combine notre édition du lundi et du mardi ensemble, ça veut dire qu'on manque un petit peu de temps pour jouer toutes les pièces. Donc, on va sauter par-dessus les 16e. En anglophone, on saute Aaron Delessio avec Destroyer qui est stable. Du côté francophone, on va sauter par-dessus Rudy Bernard et Vanity Song. On va donc aller en 15e. Du côté anglophone, White Horse et Pink Kimono qui descend de 4 places. Du côté francophone, on monte de 2 positions. C'est Days avec la version française de Long Gone. Au palmarès, c'est fou! Au 89 FM. Oh! Son cœur bouge sur un plateau d'argent. Génération Tinder, tu m'auras fait voir comme les loups ont de grandes dents. Ça se dit les meilleurs, mais vous êtes toutes pathétiques quand vient de mettre les fortunes à l'or. Oh oh oh, oh yeah. Oh oh oh, oh yeah. you won't do it too. Ooh, all the things I wanna do to you. Yeah.

deuxième position anglophone. Faith Healer et End Waiting qui montent de deux places. Et du côté francophone, eh bien, on a monté de deux positions aussi. C'était Dieu 10 de Lomépal. On saute par-dessus les 12e et 11e places des deux côtés. Donc en anglophone, Mise en scène avec Closer et en 11e, Raised on TV avec Shower Work Repeat. Et en français, on saute par-dessus Rosie Vallant avec Synchro et Tire le coyote, tes bras comme une muraille. Et voilà, c'est là-dessus qu'on se termine avec les positions numéro 20 et plus dans l'émission où on a fusionné le lundi et le mardi en une seule. Alors, on se retrouvera pour la portion top 10 la prochaine fois. On est en direct du lundi au jeudi entre midi et 13h et la fin de semaine en édition week-end, les samedis à partir de midi. Dans ce cas-là, vous pouvez juste rester à l'écoute, puis c'est facile de même. Mm-hmm. Merci Tania. Merci à toi Mathieu. À la prochaine. Bon dîner là. Oui.